De quoi tu me parles? 1005, 1006, 1007. De quoi tu me parles? 1007, 1008, 1009. De quoi tu me parles? Si j'étais vous, je le ferais au lieu d'essayer. Cocorico, se lever tôt, prendre le métro. Ouh, ouh, ouh. Cocorico, se lever tôt, prendre le métro. Ouh, ouh, ouh. 1001, 1002, 1003. De quoi tu me parles? 1003, 1004, 1005. De quoi tu me parles? 1005, 1006, 1007. De quoi tu me parles? Sorry, t'inquiète, je suis ton grand frère. Il fait gangster, mais je vais le faire. Je veux pas te voir souffrir à long terme. T'es ma petite sœur et ça me concerne. Ça, c'est le sang. Fais gaffe à tous ces hommes qui n'en font pas. Au début, ils sont mignons, ils sont sympas. Ils jouent bien de la flûte, mais ça compte pas. Ça compte pas. Et rien qui m'emboucane, il me fuit le philosophe. Il me dit qu'avec moi, c'est pas comme les autres. Et rien qui m'emboucane, il me fuit le philosophe. Il me dit qu'avec moi, c'est pas comme les autres. T'as pris le seum et tu t'agites. Moi je décolle, moi je décolle. Tu fais le voyou mais t'es un roi. Moi je suis un pic, un pic. J'ai plus le temps pour qu'on s'explique. Je suis là pour mentir, vas des critiques. J'ai mon objectif, j'ai ma famille. Je suis porté par ma team. J'entends des blablabla, la la la. Pour ça je suis pas la la la la la. Avec des salala la la la. Tu kiffes trop la malala. Banquer, il donne bébé, tu m'as manqué. Et rien qui m'emboucane, il me fuit le philosophe. Il me dit qu'avec moi, c'est pas comme les autres. Et rien qui m'emboucane, il me fuit le philosophe. Il dit qu'avec moi, c'est pas comme les autres. Reste avec tes folles, avec tes folles. T'as pris le seum et tu t'agites. Moi je décolle, moi je décolle. Tu fais le voyou, mais t'es un roi. Thank you.

riche. On vient rentrer dans la leyenda. Viens rentrer dans la leyenda.